Mosaïque. Bonjour ou bonsoir, c'est l'endroit d'où vous nous captez. Bienvenue dans l'émission Mosaïque. Au micro, Pacifique Chubahiro. Le 21 octobre 1993, le président Melchior Ndadaye a été assassiné. Cette tragédie a été suivie par des massacres à travers tout le pays. Une crise qui s'est prolongée plusieurs années après. 25 ans après cet assassinat, le Burundi n'est pas parvenu à vaincre les tourmentes à l'origine de ces événements tragiques. Aujourd'hui, un procès a permis à la condamnation des auteurs de l'assassinat. Pour certains, les condamnés étaient des exécutants et les commanditaires n'ont jamais été inquiétés. Aujourd'hui, la commission Vérité et Réconciliation n'est pas encore parvenue à nous retracer la vérité sur l'assassinat de Melchior Ndadaye, devenu héros de la démocratie, ainsi que les massacres qui s'en sont suivis. Que devront connaître de cette tragédie de 1993 et quelles sont les leçons à tirer de ces événements? Dans Mosaïque que nous vous proposons aujourd'hui, nous aurons dans la première partie l'ex-président de la République, Sylvestre Ntibantunganya, en tant que compagnon et ami de feu, président Melchior Ndadaye, membre de son gouvernement, survivant de la chasse à l'homme contre les principales autorités issues du Sarwanya-Frodebou, parti au pouvoir de l'époque, en même temps parti de Melchior Ndadaye. Dans la seconde partie, nous serons avec trois invités. Terence Mouchano, qui représente AC Génocide de Chirimoso, Pierre Clavé Nahimana, président du parti Sarwanya-Frodebou. Nous serons également avec Serge Sabimana, chargé de la communication au sein du collectif des rescapés du génocide contre les Hutus en 1972. À la réalisation de cette émission, Jérôme Nyonzima, Séraphine Akizimana assure la mise en onde. Pacifique Chubahiro au micro, je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Mosaïque. Dans la première partie de l'émission Mosaïque, nous accueillons le président Sylvestre Ntibantunganya, ami et compagnon de lutte de Melchior Ndadaye, membre de son gouvernement qu'il avait mis en place. Président Sylvestre Ntibantunganya, nous souhaitons la bienvenue dans Mosaïque d'aujourd'hui. Et merci beaucoup de m'avoir invité dans cette émission. Je sais que c'est une émission qui est écoutée autant à Bujumbura que dans les autres communautés burundaises. Ça sera pour moi une occasion de dire effectivement ce que je pense de Melchior Ndadaye, qui est une personnalité exceptionnelle dans la vie politique de ce pays. 25 ans après son assassinat, y avait-il des signes avant-coureurs que Ndadaye allait être assassiné? Son assassinat, à mon avis, non. Mais plutôt des signes avant-coureurs que le pouvoir qu'il venait d'avoir par la voie électorale allait certainement connaître des problèmes. Parce que dès le début, il n'y a pas eu des actions suffisamment menées en profondeur pour préparer la voie de la démocratie. J'aime rappeler souvent ce que nous avions demandé au niveau du parti Sarwanya-Frodebou en ce qui concerne la nécessité d'organiser une conférence nationale, pas souveraine, mais nationale, avec d'ailleurs autour du président de la République d'alors, pour qu'on voit comment enlever les ronces, comme Ndadaye le disait, et qui pouvaient handicaper la démocratie. Et cela devant, bien sûr, conclure par un gouvernement de transition pour mettre tout cela en pratique. Cela n'a pas été fait. Mais si vous insistez sur une conférence nationale et que certains disent une conférence souveraine, quelle est la nuance entre les deux? La nuance, c'est que nous disions qu'il ne fallait pas déstabiliser l'institution présidentielle, parce que c'est elle qui devait organiser. Et c'est là où la responsabilité apparaît. Si vous allez dans les déclarations que le Frodebou a faites, vous ne trouverez nulle part où on parlait de conférence nationale souveraine. On disait toujours que tout devait se penser autour du président de la République, que nous le connaissions comme la seule autorité constitutionnelle à l'époque. Mais, bien sûr, on n'a pas été entendu, on n'a pas été suivi. Et je voudrais dire que ce n'est pas seulement au niveau du Frodebou, parce qu'il y a eu également une commission d'une quarantaine d'officiers qui avait été mise en place par le président de la République à l'époque pour justement voir comment il fallait penser l'adaptation de l'armée nationale, des forces armées burundaises à la nouvelle donnée démocratique. les conclusions que cette commission a données étaient des conclusions, à mon avis, très encourageantes, mais malheureusement, elles n'ont pas été mises en application. Cela aurait pu également nous aider à éviter les déboires que le pouvoir sorti des élections de 1993 a connu. Et voilà d'ailleurs, ces déboires se sont concrétisés dramatiquement dans l'assassinat du président de la République. Et on ne le répétera jamais assez que ceux qui ont assassiné le président de la République sont venus des forces armées burundaises. On ne sait pas qui commanditait ça, mais on pourra le savoir, j'espère, bientôt. Mais on a vu que c'est sorti des organes de l'État. Donc ça veut dire qu'en fait, les organes de l'État, au lieu de servir le président de la République, étaient contre le président de la République. Et si je le dis personnellement, moi, c'est d'expérience. Parce que j'ai vu moi-même, et depuis 1994 jusqu'à 1996, les difficultés, les problèmes que j'ai eu à gérer le pays en bonne conscience et avec les forces armées burundaises. C'est-à-dire que l'unité, l'idéal d'avoir un Burundi réconcilié, un Burundi où les clivages politiques ou ethniques devraient disparaître, n'avait pas encore eu lieu. Ça ne pouvait pas avoir lieu puisqu'on n'a pas donné le temps au président Dada de le faire. On aurait dû le commencer, comme je vous l'ai dit, pendant la période que nous voulions de transition, que nous étalions dans notre réflexion, dans nos propositions, sur au moins 3 ans. Et je vous dis que parmi nous, il y en a même qui disaient « s'il au moins 10 ans » pour pouvoir justement enlever tous ces problèmes. Cela n'a pas été fait. La volonté que Ndadaye avait, la vision que certains ont soulignée ici, que Ndadaye avait, n'a pas malheureusement, il est en train de se concrétiser. Mais il y a des signes que Ndadaye a montré qu'il avait cette volonté, notamment quand vous considérez comment il a formé son gouvernement. Moi, j'ai toujours dit, écoutez, Ndadaye a commencé, lui, à construire l'accord d'Arusha avant que les acteurs politiques burundais négocient, malheureusement, après son assassinat. La conséquence immédiate, ça a été les massacres dans tout le pays. Aujourd'hui, quelles sont les grandes conséquences de cette tragédie? En fait, une des maladies que porte le Burundi en ce qui concerne son unité, c'est le refoulement, et je voudrais l'appeler aujourd'hui à travers justement et certaines déclarations du président Ndadaye, c'est le refoulement que nous avons toujours opéré par rapport à ce passé douloureux par lequel nous sommes passés, ce passé que moi j'appelle passé nauséabond. Et c'est ça qui a pesé et qui pèse sur les consciences aujourd'hui. Et on est dans un cadre, on est dans une institution, on est dans un groupe organisé. On repense d'abord en se projetant dans le passé. Et des fois, on est bloqué par ce passé. Et quand il y a des problèmes d'ailleurs, comme celui qui a surgi justement le 21 octobre 1993 avec l'assassinat du président Ndadaye, il y en a qui se sont laissés aller aux émotions ethnistes de façon à se laisser aller à des actes criminels qui ont emporté beaucoup de citoyens, des Hutus, des Tutsis. Et l'ensemble de la communauté burundaise a été blessé parce que justement, on ne s'est pas encore suffisamment interrogé sur ce passé. C'est pourquoi ici, il faut que les Burundais, notamment les leaders, comprenions et nous engagions pour permettre à la Commission de réconciliation d'aider les Burundais à aller vers cette vérité. Justement, il s'est passé beaucoup de choses, notamment ce que vous qualifiez d'un passé, d'une période nauséabonde, d'un passé nauséabond. Aujourd'hui, quel est votre engagement en tant que personnalité politique par rapport au plus jamais ça? Ceux qui avons dirigé le pays avons beaucoup de responsabilités. Aujourd'hui, nous restons à 4. Le président Buyoya, qui a eu 13 ans à la tête de l'État de 1987 et jusque récemment en 2003. Moi-même, et qui ai passé 2 ans à la tête de l'État. Le président Daïsé, qui a passé 3 ans, 2 ans. Et l'actuel chef de l'État, qui est là depuis 2005, jusque vraisemblablement en 2020. Moi, je pense que ensemble, nous avons une responsabilité de nous ouvrir pour que justement les canaux à travers lesquels cette vérité sur le passé se mène et se cherche soient des canaux qui soient libres, qui ne constituent pas des obstacles. Je sais que c'est pas facile, surtout si éventuellement on peut se considérer comme ayant une certaine responsabilité. Mais c'est un devoir que nous avons par rapport justement à cette jeunesse burundaise. J'ai rappelé tout à l'heure dans la conférence que j'ai donnée que nous avons aujourd'hui de jeunes Burundais de 25 ans qui sont nés le jour où Ndadaye Mekio a été assassiné. Et il faut que ces jeunes, que cette génération se sentent suffisamment et véritablement libérés par rapport à ce passé nauséabond que certains portent. Nous avons ce devoir. Et si nous commençons au niveau de nous qui avons été des chefs d'État, je pense que si les opinions perçoivent cet engagement, cela pourra avoir de bonnes répercussions dans les autres étapes et structures de la vie nationale. Aujourd'hui, avec l'existence de la Commission nationale Vérité et Réconciliation, est-ce possible de parler des faits sur notamment l'assassinat de Mekio Ndadaye et des massacres qui s'en sont suivis du moment que ce travail revient à la Commission, à la CVR? La CVR n'empêche pas les Burundais d'avoir d'autres cadres à travers lesquels ils se parlent sur ce qui s'est passé. Mais par ailleurs aussi, la CVR peut aussi prendre l'initiative d'organiser les choses telles que je vous l'ai dites. Mais là, n'est pas contre l'autre. Loin de là, ça peut se compléter. Ce qu'il faut, franchement, et je plaide beaucoup sur ça, c'est le devoir des leaders d'être ouvert. Pas seulement, bien sûr, au niveau de nous, les anciens chefs d'État, mais aussi au niveau des partis politiques. Mais aussi au niveau des corps de défense de sécurité. C'est anormal qu'on vous dise, par exemple, qu'au niveau de l'armée, si vous cherchez des documents sur 1993, vous ne les trouvez pas. C'est anormal. Ça veut dire que quelque part, il y en a qui les ont subtilisés. Et cela montre que ceux qui les ont subtilisés avaient justement des responsabilités dans ces drames que nous avons vécus. Tout au moins, au niveau politique, on peut dire, là, c'est une épreuve, c'est une attestation. Et c'est en fait le plaidé coupable qui est là, qui s'affirme. Et donc je dis, écoutez, ayons ce courage. Pour nous, d'abord pour notre pays le Burundi, pour notre jeune génération et pour nous-mêmes. Et nous verrons que chacun y trouvera son compte. Plutôt que de porter jusqu'à sa mort des charges aussi fortes comme quoi on me soupçonne d'être responsable de ceci. Moi j'aimerais personnellement que je sois là, que les gens me posent toutes les questions qu'ils ont à se poser pendant la période où j'ai été politiquement actif. Surtout pendant la période où j'assumais les plus hautes fonctions de l'État en tant que chef de l'État. Les détracteurs de Melchior Ndadaye, aujourd'hui, s'il faut en parler, sur quoi ils craignaient surtout Melchior Ndadaye? C'est l'ambiance dans laquelle ils avaient évolué. Quand vous voyez même cette émission que le président Boyer avait donnée à cette commission qu'il avait mise en place, comment adapter? Ça veut dire qu'il n'était pas adapté à la démocratie. Il y avait quelque part quelque chose qu'il fallait faire. Et ça veut dire que ces choses n'avaient pas été faites avant, puisque la commission a été mise en place en mars 1992. Et une année après, on était dans les élections. Alors, ils avaient peur de ce qui avait été fait avant. Et disaient, comment est-ce que Ndadaye va nous juger? Comme ils n'avaient pas encore eu l'occasion de rencontrer Ndadaye, l'occasion de le voir à l'œuvre. Malheureusement, il y en a qui se sont laissés aller dans cette folie qui a entraîné le pays dans les méandres criminels que nous avons connus depuis. Et je peux vous dire personnellement que des fois, quand je rencontre les gens, ils me disent, monsieur le président Ndibantou Ngagna, on s'est trompé. On s'est trompé sur vous. Ah, ils le constatent aujourd'hui après. Mais avant, ils croyaient qu'ils étaient dans le droit. Même en étant dans une voie criminelle, ils croyaient qu'ils étaient dans le droit. Mais aujourd'hui, vous sentez qu'il y a des gens qui vous disent, écoutez, on s'est trompé. Malheureusement, aujourd'hui, les choses ont évolué autrement. Quelle est la leçon à tirer de tous ces événements? Le devoir des leaders. Parce que les populations en elles-mêmes sont fondamentalement pacifiques. Moi, je me souviens de ce qu'ils m'ont toujours dit. Surtout quand nous étions en 1989-90, en train d'organiser les colloques sur la question de l'unité nationale. Ils nous disaient, écoutez, allez vous mettre d'accord, vous les leaders qui vous disputez ceci ou cela, nous n'avons aucun problème. Et effectivement, quand vous considérez toutes les crises que ce pays a connues, vous ne me direz jamais quelque part où il y a un bon jour des Hutus qui se sont élevés contre des Tutsis ou des Tutsis qui se sont élevés contre des Hutus. Il y a toujours eu des manipulateurs politiques pour des intérêts bien précis. Mais les populations burundaises en elles-mêmes vivent de leur conscience. Souvent, quand on parle des massacres de 1993, certains diront un génocide. Un génocide qui était pensé par le parti Savoyard Frodebout, dirigé par Melchior Ndadaye. Et vous, en tant que compagnon, vous avancez que Anokhen Kamekion Dadaye n'était pas ethniste et il avait montré ça à travers différentes décisions et nominations par rapport à l'autre parti, disons les Tutsis. Aujourd'hui, pensez-vous que le Sahrawien Frodebo est accusé d'une façon erronée? Ce qu'il faut prévaloir, cette approche emprunte une voie indécente et choquante. Et visiblement, cela démontre encore une fois combien il est nécessaire que toute la vérité soit connue. Tenez, moi j'étais dans l'organe qui dirigeait le Frodebo au sommet, composé de 5 personnalités. Melchior Ndadaye, Poncier Kalibwami, moi, Sylvestre Ndibantunganya, Léonard Nyangoma, Elishan Ndikumwami. Ndadaye, Kalibwami, Elishan Ndikumwami ont été assassinés le 21 octobre. Chez moi, on est venu, quand on ne m'a pas trouvé, on a assassiné ma femme. Nyangoma a pu échapper, etc. Alors, je vais poser une question à ceux qui parlent comme ça. Ça veut dire que c'est nous. Ce groupe de 5 qui nous serait mis d'accord pour penser, organiser cela, en commençant par nous assassiner nous-mêmes. C'est là où je dis que c'est indécent et que c'est choquant. 2, ils oublient. Moi, j'ai toujours dit, c'est le 2, j'ai toujours dit que celui qui a des preuves sur ça les apporte. Pour montrer comment Ndadaye, Kalibwami, Ndibantunganya, Nyangoma, Elishan Ndikumwami, nous sommes assis pour penser à cette stratégie criminelle qu'on ne peut pas cautionner. Qu'ils nous disent, qu'ils nous montrent les documents. Moi, je suis prêt à assumer. Mais je parie qu'il n'y en a pas. Alors, maintenant, il s'agit d'expliquer pourquoi ça s'est passé. Et c'est à ça que nous attendons justement le travail de la Commission de vérité et réconciliation. Mais moi, je vois des pistes. Premièrement, depuis 1972, avec la crise qui a eu lieu, et que justement certains qualifient de génocide par rapport à la réaction des chefs de l'État à l'époque, il n'y a pas eu de clarification. Et les pouvoirs ont évolué ainsi. S'il advenait par exemple que la Commission Vérité et Réconciliation ou d'autres, comme certains le font aujourd'hui, concluent qu'en 1972, il y avait génocide commis par l'État contre une communauté nationale, les Hutus. Est-ce que ceux qui en sont responsables ont été identifiés et poursuivis? Non. Ça veut dire que cela a des répercussions sur l'avenir. 2, il y a eu, bien sûr, des réactions, comme je le dis, à rebours. Ce qui n'a d'ailleurs justement expliqué comme autisme, qui s'était également développé, et qui peuvent avoir travaillé également sur les consciences très fragiles en 1993, après l'assassinat du président Dadaï. Enfin, après l'assassinat du président Dadaï, où était le pouvoir? Pour pouvoir justement faire face à tout cela. Nous qui devions intervenir, nous étions justement ceux qui étaient visés. Et on a systématiquement détruit. Et les organes d'ailleurs sur lesquels on pouvait bâtir notre réaction étaient des organes hostiles. Je vous ai parlé de l'armée et tout le monde le connaît, que ceux qui ont opéré le coup d'État venaient de l'armée. C'est tout cet ensemble-là. Mais ce à quoi j'invite les gens aujourd'hui, et j'y reviens souvent, c'est qu'on ait le courage de regarder son passé les yeux dans les yeux et ne pas se laisser bloquer par son passé. De l'affronter pour, j'insiste beaucoup, protéger les générations actuelles. Que ces générations ne soient plus entraînées dans son passé nauséabond, mais que nous le dépassions pour justement construire un Burundi de paix. En Burundi, les conciliés comme Ndadaye a rêvé, parce que Ndadaye utilisait trois mots très importants. En Burundi, réconcilier, démocratique et prospère. Que c'est ça qui constitue notre préoccupation aujourd'hui et demain. Président Sylvestre Ndibantunganya, je vous remercie. Merci beaucoup. Mosaïque. Nous vous rappelons que l'émission c'est Mosaïque. Aujourd'hui, nous revenons sur l'assassinat du président Melchior Ndadaye et les massacres qui s'en sont suivis. Donc, nous accueillons dans cette seconde partie nos trois invités. Pierre Claver Nahimana, président du parti Sahrawien Frodebo. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour, je transmets toutes mes salutations de paix et de dignité à tous ceux qui nous écoutent. Et merci pour m'avoir invité. Nous accueillons également Terence Mouchano, président de l'association AC Génocide de Chirimoso, une organisation qui lutte contre les crimes de génocide au Burundi. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour, mais entre-temps, je rectifie, je suis le vice-président représentant légal et suppléant. Je salue vous qui animez cette émission et la radio en général et tout le peuple et tout le monde qui nous écoute. Nous accueillons dans ce studio de la radio Isanganiro Serge Nsabimana, chargé de la communication au sein du collectif des rescapés du génocide de 1972. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de nous avoir invités. Sans tarder, je pose la question au président du parti Sarwanya, Frodebou. Le 21 octobre 1993, c'est une date inoubliable au niveau du parti. Que gardez-vous de l'assassinat du président Melchior Ndadaye au niveau du parti Sarwanya, Frodebou? Alors, le 21 octobre 1993, c'est une date inoubliable pour le parti Sarwanya Frodebou, en même temps pour toute la nation burundaise et même pour beaucoup de personnes dans le monde qui font de la démocratie un idéal pour les peuples du monde. Alors, qu'est-ce que nous gardons de cette date? Vous savez, cette émission se passe dans le cadre de la prochaine commémoration, justement, de cette date inoubliable, le 21 octobre, date de l'assassinat du président Ndadaye Melchior, qui sera érigé plus tard. Ici, je parle du président Ndadaye Melchior, qui sera érigé en héros national de la démocratie au Burundi. Alors, qu'est-ce que nous pouvons garder de cette date? Ce que nous gardons, ce sont surtout les idéaux du président Melchior Ndadaye. Pourquoi les idéaux pour lesquels il est d'ailleurs mort, il a été assassiné. Ce sont les idéaux de démocratie qui doivent être ancrés dans les cœurs de tous les Burundais. Donc, c'est la bonne gouvernance de la chose publique que prêchait Melchior Ndadaye. C'est l'esprit de dialogue qu'il prêchait qui doit se manifester partout lorsqu'il y a des conflits dans une nation. C'est surtout cette notion de respect de la dignité humaine qu'il prêchait pour que tous les Burundais aient un mot à dire dans la nation burundaise, pour que ce ne soit plus des petites personnes qui ne sont pas considérées par les pouvoirs. Parce que vous savez, quand il est venu, le président Ndadaye Melchior, c'était après une époque où on vivait dans des régimes militaires, des régimes non démocratiques, des régimes oppressifs. Donc, il a voulu changer les choses. Alors, il les a changées, effectivement. Il les a changées et il a été assassiné pour cela. Donc, nous gardons pour nous ces idéaux pour lesquels il est mort. Voilà ce que nous retenons de cet assassinat du président Melchior Ndadaye. Terence Mouchano, au niveau de la génocide de Chirimoso, qu'est-ce que vous gardez de l'assassinat du président Melchior Ndadaye? D'abord, je commence par la date même du 21 octobre 1993 et les années qui ont suivi. Cette date est une date fatidique, une date qui rappelle tout le malheur du pays, tout le malheur, c'est-à-dire le versement du sang, l'écoulement du sang de Tutsis tués et l'assassinat du chef de l'État, le président Ndadaye Melchior. C'est une date qui est déplorable. C'est une date qui doit être une mauvaise référence pour l'État du Burundi, pour le peuple burundais. C'est une date qui ne devrait jamais se répéter dans notre pays. Qu'il y ait un chef d'État qui est assassiné, qu'il n'y ait plus de chef d'État qui soit assassiné, qu'il n'y ait plus de population qui ne le connaissait même pas, qui ne l'avait même pas, qui ne briguait même pas son poste, qui devrait être mourir parce qu'il est tué, injustement assassiné, injustement tué. Donc les enfants, les vieilles, les vieux, les adultes ne devraient pas être tués parce que le président venait d'être tué. Ça a été une date vraiment catastrophique qui est imprégnée dans nos mémoires. Mais aujourd'hui, vous retenez la date du 21 octobre 1993 et les années qui ont suivi. Au niveau du Sornia Frodebou, on retient les idéaux du président Melchior Ndadaye. Au niveau de la génocide Chirimoso, que représente Melchior Ndadaye? Ndadaye Melchior fut en chef de l'État récemment érigé à la tête du pays et entre-temps assassiné. On ne peut pas le nier, les faits sont têtus. Mais aussi, c'est qu'on rappelle plutôt de son parti, après son assassinat, ou même avant, ou même pendant, qu'il était en train d'être torturé. Il a été suivi par les tueries nombreuses des Tutsis. Est-ce que vraiment, parce qu'il n'était pas Tutsi, est-ce que son parti devrait tuer les Tutsis? Donc vous incriminez directement le parti Sornia Frodebou. On parlait de ce que vous gardez de Melchior Ndadaye. Au niveau du parti, on vante les idéaux, on vante ses mérites et sa vision. Au niveau de la génocide de Chirimoso, Ndadaye, après, est devenu héros de la démocratie. Pensez-vous qu'il méritait autant d'honneur que ça? Au risque de m'entacher de toutes les irrégularités, je dois vous dire que les témoignages convergent sur un fait qui crève les yeux. Ce sont les autorités politiques et administratives de 1993 qui ont incité les miliciers Hutus dits Frodebou à tuer les Tutsis et les Hutus non acquis à l'idéologie du génocide. Le détonateur est venu du docteur Jaminani, qui était ministre de la Santé publique, qui a parlé à ce sujet sur la radio gouvernementale rwandaise et sur la radio-télévision Mille Collines, de triste mémoire. Donc, est-ce qu'aurait-il enseigné ça? Ndadaye, je n'en sais rien, je ne peux pas accuser un disparu. Mais je pense que la mort de ces Tutsis ne s'est pas préparé en une journée. Ce n'est pas une journée. Comment pouvait-il rassembler les tronçonneuses pour couper les bois et barrer les routes? Comment peut-on organiser couper les ponts? Comment pouvait-il rassembler tous les instruments, les machettes, l'essence, la station de Kibimba? Est une preuve tangible. Donc pour vous, ça n'a jamais été un acte spontané? Non, surtout pas ça. Il faut être naïf pour le croire. Je passe la parole à Serge Nsabimana, 1993, à les rescapés de 1972, vivaient la tourmente des événements il y avait plusieurs années, presque 21 ans après. 93 arrive. Pour vous, ça reste aussi une date marquée dans les esprits des rescapés de 1972. Effectivement, c'est une date marquée, le 21 octobre 1993, parce que ça marque le déclenchement dans notre génocide contre les Hutus du Burundi. Mais si on y regarde bien, il y a un élément nouveau que ça vise aussi tous les démocrates burundais de toute ethnie confondue. Et je pense que ces massacres, ces crimes qui ont été commis, c'est à mettre au dos des putschistes de 1993, parce qu'il y a eu même un communiqué de l'état-major des forces armées qui marquait que toutes les unités de l'armée et de la gendarmerie se sont soulevées contre le pouvoir en place et ils ont tué le président de la République, de l'Assemblée nationale, les parlementaires, les ministres, les gouverneurs, et ils ont destitué les autorités publiques qui ont été élues et ils ont remplacé par des militaires putschistes. C'est pour ça que je marque que c'est à mettre au dos des putschistes. Et nous savons bien qu'il y a des éléments qui montrent s'il y a un génocide qui est commis, on doit viser un groupe bien connu. Ça doit être planifié, ça doit être exécuté par une autorité publique avec les moyens de l'État. Et si Terence Mouchano avance un génocide contre les Tutsis, vous, en même temps, en 1993, vous avancez un génocide contre les Hutus. Si on voit la suite des événements, nous avons vu que... parce qu'il faut qu'il y ait le planificateur. Les planificateurs, ils étaient presque à 100% Tutsis, avec quelques Hutus utilisés. Je ne sais pas qu'ils pouvaient planifier de massacrer, de tuer les Tutsis. Mais nous avons vu que tous les démocrates burundais, parce que nous, c'était un soulagement qu'il y ait un pouvoir élu qui pouvait établir la démocratie, les droits de l'homme, en fait que les victimes des génocides de 1972, les Hutus, puissent être rétablis dans leurs droits. Et c'est pour ça que nous disons que ça fait que ça marque le déclenchement dans notre génocide contre les Hutus, avec un fait nouveau que ça visait tous les démocrates de toute ethnie confondues. Lorsque Terence Mouchano avance que finalement il y a eu un génocide de Tutsis et que ce n'était pas un acte spontané, que c'était planifié au niveau de votre collectif, pensez-vous que les Tutsis ont droit de s'inquiéter, surtout par rapport à 1993 après l'assassinat de Mekion Ndadaye? Je pense que tout le monde avait le droit de s'inquiéter quand on se soulève contre un président élu. Quel est le représentant du peuple, sont assassinés. Tout le monde était inquiet et avait le droit de s'inquiéter. Et ceux qui ont commis cet acte ignoble, ils avaient bien planifié comment le faire pour que le pays ne soit pas dirigé et pour qu'il puisse arriver à leur fin, massacrer la population burundaise. Merci. Au niveau du parti Savanya Frodeo, Pierre Claver Nahimana, lorsque le 21 octobre vous commémorez la mémoire de Melchior Ndadaye et que d'un autre côté les Tutsis pensent que même tous ces malheurs qu'ils ont connus en 1993 ça vient du Frodebo, et que le Frodebo en même temps réclame un procès juste et équitable contre les auteurs et les gens, les planificateurs de l'assassinat de Melchior Ndadaye, finalement comment vous gérez cette situation au niveau du Savanya Frodebo? Vous savez, nous sommes habitués dans l'histoire africaine que nous suivons de près, mais aussi dans d'autres pays du monde qui n'ont pas encore compris la notion de démocratie. Nous sommes habitués à des assassinats des leaders politiques. Nous sommes habitués à des tueries qu'on décrit ici. Alors, cela est arrivé pour le Burundi en 1972, cela est arrivé au Burundi en 1993. C'est des faits historiques qui sont connus, que le Frodebo suit de près. Alors, je vous dirais que à Arusha, de 1996 à 2000, là on avait suffisamment de temps. Pendant 4 ans durant, les Tutsis, des représentants des Tutsis, plusieurs organisations, des intellectuels, des prêtres, tout ce que vous voulez, des représentants des Hutus aussi, de tous les horizons, des représentants de la communauté internationale, l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, l'East Africa, tout le monde, ils étaient réunis à Arusha pour discuter de la question burundaise. Donc toutes ces notions de génocide, de massacre, tout y est passé. Il y avait plusieurs rapports qui ont été écrits par des experts, qui ont été écrits par l'ONU. On a consulté tous ces dossiers. Alors, c'était à l'issue de cette consultation que le président Muammar Julius Nyerere, qui avait été mandaté par la communauté internationale, c'était à l'issue de cette consultation où il a dit, écoutez, pour la question du génocide, le monde entier, à commencer par l'ONU, nous savons très bien depuis longtemps ce que c'est le génocide dans la région. Dans la région, le génocide que nous connaissons, c'est le génocide de 1972 au Burundi contre les Hutus du Burundi, contre les Hutus du Burundi. Et l'autre génocide que nous connaissons, qui est connu, qui est avéré, c'est le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Voilà les génocides qui existent dans cette région. C'est à ce moment-là que beaucoup de gens qui se font des idées dans la tête, qui racontent n'importe quoi, on dit celui-là, ils l'ont insulté en Kirundi pour lui dire c'est un vaurien qui pisse dans son lit. Donc, vous comprenez que c'est des questions qui sont débattues, mais maintenant chacun il a son opinion. Ici, on se focalise maintenant sur la question de 1993, sur ce qui s'est passé. Mais si on quitte l'aspect de génocide ou parlons tout simplement massacre de Tutsi, au niveau du Frodebou, qu'est-ce que vous admettez? Alors, 1993, il y a eu effectivement assassinat du chef de l'État, c'est très clair. Il y a eu des massacres de Tutsi, il y a eu des massacres des Hutus, tout cela est arrivé. Il y a eu des tueries, on l'a vu. Il y a des Hutus qui sont morts, plusieurs, ça on ne le dit pas. Il y a des Hutus qui ont été massacrés, il y a des Tutsis qui ont été massacrés, il y a un président qui a été assassiné, il y a beaucoup de leaders politiques qui ont été assassinés, c'est tout un ensemble. Donc, réduire cela à un simple assassinat des Tutsis uniquement, je pense que c'est trop aller loin dans la besogne. Donc, il y a eu des choses très mauvaises qui se sont passées. Et cela, je pense que c'est sur cela qu'on doit se pencher pour dire que cela, ça ne se reprenne plus au Burundi. Qu'est-ce que nous en pensons? Nous en pensons que les Burundais, ils doivent se mettre ensemble pour dire que ces choses-là qui nous sont arrivées ne reprennent plus. C'est ça notre position. Et pour cela, nous mettons en avant les idéaux de son Excellence Ndadaye Melchior qu'il mettait en avant à l'époque. Les idéaux de refus, justement, de l'assassinat, refus de, des massacres, plutôt mettre en avant le dialogue entre les gens, refus de la violence, mettre en avant la dignité humaine, ce sont ces notions-là que nous mettons en avant. Sinon, les accusations qui sont faites au Frodebou, nous sommes habitués. Même à Arusha, on a fait une tonne d'accusations et on a pu prouver que ces accusations étaient tout simplement non fondées. Tant qu'on parle de la recherche de la vérité par rapport au procès, est-ce que le parti Sahoyan Frodebou a désarmé par rapport à la connaissance de la vérité via la justice? Non, évidemment. Parce que pour ce qui s'est passé en 1993, nous ne parlons pas de ce qui s'est passé avant, parce que vous savez très bien qu'au niveau du Burundi, nous réclamons même pour qu'il y ait justice sur ce qui s'est passé avant. Souvenez-vous, il y en a qui réclament, qui disent, écoutez, il faut établir la vérité. Il faut que la justice travaille bien sur l'assassinat du prince Louis Rwagasore, héros national de l'indépendance. Donc, c'est une question qu'on pose. Elle est là. Pour 1993 aussi, pour l'assassinat du président démocratiquement élu, son Excellence Ndadaye Melchior, le Frodebou et bien d'autres Burundais disent, non, non, il faut que la justice fonctionne. Il ne faut pas seulement qu'ils se contentent, comme ils l'ont fait, de prendre uniquement quelques subalternes, quelques exécutants, et le reste mettre caché ce qui s'est passé. Il y a des commanditaires politiques, il y a des cerveaux qui ont commandité ce crime. Il faut les chercher, les mettre devant la justice pour qu'ils soient jugés. Comme ça, je pense que les Burundais pourront dire ouf, cette fois-ci, on voit qui c'est qui l'a fait. Et ça sera un élément essentiel pour la réconciliation des Burundais qu'elle recherche. Si cela n'est pas fait, évidemment, il y aura toujours des mésententes ou alors des soupçons pour dire ce celui-là. Non, il faut que la justice fonctionne pour qu'il y ait réellement réconciliation. Terence Mouchane, pourquoi vous campez sur votre position pour faire admettre ou que le génocide de Tutsi, avec la crise de 1993 et les années qui ont suivi, soit accepté par les Burundais, mais également par la communauté internationale? Les faits sont têtus. D'abord, il y a une commission d'enquête internationale commanditée par, d'abord, dans la résolution 10-12 du Conseil de sécurité, en date du 28 août 1995, qui demanda au secrétaire général des Nations Unies de mettre sur pied une commission internationale d'enquête sur le Burundi. D'abord, sur l'assassinat d'Adaye, dans un premier point. En deuxième lieu, sur les violences massives exercées, perpétrées contre la minorité Tutsi du Burundi. Voilà ce que la commission dit. Dans son rapport dit ceci, ayant conclu que les actes de génocide ont été perpétrés contre la minorité Tutsi au Burundi en octobre 1993 et les années qui ont suivi, il continue. La commission est d'avis qu'une compétence internationale doit s'exercer à l'égard de ces actes. Donc, la raison qui motive à ces génocides de dire à vive voix que les actes de génocide perpétrés contre la minorité Tutsi ont été exercés par les miliciens du Frodebu, mais dont la tête pensante, les commanditaires et les auteurs sont à mettre à nu pas la justice internationale. Parce que la justice nationale, c'est ce que le président du Frodebu, Sawanya Frodebu, rejette. La justice nationale n'a pas fait son travail. Mais vous pointez déjà le doigt aux dirigeants du parti Sawanya Frodebu et des dignitaires ici de son parti de l'époque. Ah oui, c'était les gouverneurs de province, les administrateurs, les chefs de zone, les chefs de colline qui organisaient les assassinats, les tueries, même. Les faits sont têtus. Pourquoi il y a des sites de déplacés qu'aujourd'hui on veut déplacer en violation de la Convention internationale de Kampala? Regardez Abu Gendana. Allez à Abu Gendana, allez à Ruhororo, toujours on menace ces sites déplacés. Et les fosses communes sont toujours, quand on dit que la commission vérité sur son champ de travail, il a beaucoup à faire. La commission a beaucoup à faire. Donc, nous nous cramponnons sur cette position et sur la justice et le tribunal pénal international pour le Burundi sera là pour trancher. Quand on dit aussi Arusha, ce qui était Arusha, quand bien même nous disions, allez Arusha, c'est pour que d'ailleurs négocier ce qui avait de loin ou de près pouvait être suspecté. Imaginez-vous Kaminani dit sera équilibré piloté les négociations du côté du Frodebu. Et ce qu'on se rappelle, ce qu'il a dit à partir de ces radios dont j'ai cité tout à l'heure. Donc, en un mot, le Burundi a tant besoin de la justice pour repartir tout le monde, pour qu'il n'y ait pas de soupçon de quoi que ce soit, de qui que ce soit. En ce moment, ce qui sera coupable, qu'ils soient poursuivis sur les Hutus, sur les Tutsis. Si les Hutus ont été, les Hutus de l'Iprona ont été assassinés sous prétexte qu'ils sont de la sorcellerie. C'était des sorciers. Mais c'était quoi? C'était parce que les gens ont été enseignés que ceux qui ne composent pas avec leurs partisans dans leur parti sont à tuer au même titre que les Tutsis. Donc, c'est déplorable aujourd'hui. nous sommes fondés sur ce rapport, mais aussi nous sommes témoins de ce qui s'est passé. Mais justement, le rapport parle de l'assassinat et des massacres qui ont suivi, que vous qualifiez de génocide. Est-ce que si vous parvenez à trouver des pistes par rapport aux planificateurs, comme vous le dites, de génocide que vous nommez ainsi, des Tutsis, est-ce que vous pouvez fournir des pistes pour les planificateurs de l'assassinat de Melchior Ndadaye, notamment pour le parti Sahorgna Frodebo? Mon cher ami, on est ici au micro. On dira ce qu'on peut témoigner. Le témoignage dont vous pouvez détenir les informations fiables, il faut les révéler. Quand vous n'en avez pas, il ne faut pas mentir. Même dans des lits ordinaires. Dans des lits ordinaires, si on ment, le témoin doit être incarcéré. Donc, il faut dire ce dont on maîtrise, ce dont détient l'information. Celui qui aura une information, quiconque pouvait le fournir, mais si on ne le détient pas, faudra-t-il mentir? Serge Sabimana, est-ce que pensez-vous que le Burundi aujourd'hui a ses chances de parvenir à la vérité et surtout arriver à un Burundi uni comme le présageait Melchior Ndadaye? Oui, le Burundi a des chances pour arriver à la vérité. Comme le disait Mouchano, les fins sont têtues. L'armée, les dirigeants de l'armée de l'époque, ils ont fait un communiqué, ils ont assumé l'acte, le coup d'État, l'assassinat du président. Le chef d'État-major de l'époque, le colonel Bikomagu, il a admis que c'est lui qui a livré le président Melchior Ndadaye à l'abattoir. C'est comme si vous voulez l'aider par rapport aux pistes pour chercher la vérité sur l'assassinat de Melchior Ndadaye. C'est ça, c'est pour aider, c'est les pistes. Et nous-mêmes, il y a des choses que nous avons vues ici dans la capitale. Moi, j'ai vu le chef d'état-major de la gendarmerie de l'époque, le colonel Bayagana Kandi Epitaz, diriger des massacres à la population de Kamenge. Ça, c'est des faits que je dis que personnellement, j'ai vu. Et M. Mouchano ne doit pas se baser sur un rapport alors qu'il y a eu plus de dizaines de rapports. Ça, c'était des rapports qui vont nous permettre d'établir les faits. Nous avons vu l'escorte, M. Ngeze François a été escorté par le colonel Simbandoukou Daradangwe. Et là, on voit les cerveaux. Il y a certains exécutants qui ont fait des témoignages, qui ont des noms. La justice peut faire son travail. Et dans la suite des événements, nous avons vu, comme je disais, que pour nous, cette date du 21 octobre 1993, c'était la réédition du génocide contre les Hutus de 1972. Nous avons vu la suite des choses, des regroupements de type nazi qui ont été pratiqués ici au Burundi pour Est-ce que massacrer. Ça, c'est pas aller trop loin si on compare ce qui s'est passé au Burundi avec la guerre ou les massacres, le génocide des nazis contre les juifs? Moi, je pense que les faits sont têtus, des choses, et là, je dis des choses, on a vu les camps de concentration. C'était des regroupements de type nazi où on concentrait les gens pour les massacrer avec les moyens de l'État, les armes achetées par l'État, payé par le contribuable burundais. Là, les fins seront. Nous nous demandons que la justice soit faite. Les pistes sont là. Il y a des rapports pour que la justice puisse faire le procès du héros de la démocratie. Tant que vous parlez de la justice, Terence Mouchano, dans plusieurs débats, parle de l'intervention de la communauté internationale et de la justice internationale, non seulement pour découvrir la vérité, mais aussi pour punir les auteurs des crimes commis au Burundi. Quelle est votre position au niveau du collectif? Ma position, je pense que c'est aussi une façon de contourner la justice ou d'étaler en l'auteur. Nous savons que la communauté internationale ne dispose pas d'un parquet, d'un tribunal. Et moi, je pense qu'on doit assumer nos responsabilités. Des Burundais qui ont eu à tremper dans ces massacres et dans ces actes, ils peuvent s'autodénoncer. Et la justice burundaise peut faire son travail parce qu'aujourd'hui, nous avons des institutions élu, nous avons un gouvernement et le peuple burundais est déterminé à lutter contre ces actes de crime, ces actes de génocide. Le peuple est déterminé, le peuple burundais a déjà montré que plus jamais des actes ignobles de génocide et de tuerie. Tant que vous avez la parole, nous sommes vers la fin de cette émission. L'assassinat de Melchior Ndadaye ainsi que les massacres qui ont suivi, qui étaient là, c'est Mouchano, parle de génocide et de Tutsi. Quelles leçons faut-il retenir sur cette tragédie au niveau des collectifs des rescapés du génocide des Hutus de 1972? Les leçons qu'il faut retenir, c'est d'abord le plus jamais ça. Nous avons vu que tuer, massacrer les gens, ça n'aide à rien. Il faut qu'il y ait vraiment que ça soit ancré dans la tête, dans le cœur, dans le cerveau des Burundais, de respecter la vie humaine. C'est vraiment sacré. Et de respecter les institutions démocratiquement élues. Et de vraiment c'est respecter la volonté du peuple, qu'on respecte les institutions, qu'on respecte la vie humaine. Et nous, nous constatons et nous réjouissons que le peuple burundais a déjà compris ça. Et les forces de défense et de sécurité ont été réformées et ont compris de ne plus faire ça. Nous l'avons vu le 13 mai 2015 que l'armée, les forces de défense et de sécurité ont dit non aux putschistes qui étaient ici, même une partie de ses rangs et d'autres politiciens qu'ils ont refusé qu'on fasse un coup d'État contre un gouvernement élu. Je pense qu'il faut passer par la voie des urnes et respecter les institutions et le respect de tout un chacun. Donc par là, respecter la démocratie, les droits de l'homme. D'ailleurs, c'est l'héritage que son Excellence le Président Melchior Ndadaye nous a légué. La démocratie, les droits de l'homme. Est-ce que vous ne pensez pas que la mémoire collective et pouvoir avoir une même lecture sur les faits historiques qui divisent la population burundaise pourrait aussi être une façon d'envisager un Burundi meilleur? Tout à fait, c'est une façon d'envisager un Burundi meilleur. Il faut lutter contre le négationnisme. Respect, avoir le respect, compatir face à quelqu'un qui a perdu les leurs, respecter la mémoire collective. En quoi vous vous engagez par rapport à votre collectif? Par rapport à notre collectif, nous nous engageons d'enseigner les valeurs démocratiques, d'enseigner le respect des droits de l'homme et permettre aux Burundis et aux victimes de faire la mémoire, de faire le devoir de mémoire. Et nous avons même dans nos projets de la construction d'un mémorial pour les victimes du génocide contre les Hutus au niveau national et dans des provinces. Et permettre. Pas celui qui a été érigé à Guéhéta, en province de Gitega. Je pense que ça n'a pas été érigé en mémoire des victimes du génocide commis contre les Hutus en 1972. Nous aussi, nous avons droit à la mémoire. Terence Mouchano, vous aviez voulu réagir par rapport au propos de Serge Nsabimana. Ah oui, quand il évoquait que la justice burundaise peut trancher tous ces litiges. Le contentieux du sang, le crime de génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre sont des crimes du droit qui relèvent du droit international. Par conséquent, la communauté internationale, les Nations Unies doivent prendre le dossier à main. Parce que les Hutus et les Tutsis constituent, ne peuvent pas constituer juge et partie. C'est pour cela que je voudrais. Nous sommes vers la fin de cette émission. Après 25 ans d'assassinat de Melchior Ndadaye et des massacres que vous qualifiez de génocide de population burundaise, quelles leçons faut-il retenir de cette tragédie? La leçon qu'il faut tirer de cette tragédie, il faut que les partis politiques qui montent de très bons projets de société, au lieu de monter les projets criminels, sanguinaires, Il faut que la justice internationale soit opérationnelle au Burundi. Il faut enseigner la paix au lieu de l'endoctrinement ou de l'idéologie génocidaire. Il faut qu'il y ait institué la justice. La justice, il faut la lutte contre l'impunité du crime de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Il faudra instaurer la justice réconciliatrice. Il faudra enseigner aux jeunes qu'il ne faut pas se laisser manipuler par les politiciens, parce qu'un jour, ils vont répondre, personnellement, individuellement ou collectivement, ensemble avec ces politiciens ou sans eux. Au niveau du parti Sahwanya Frodo, Pierre Claver Nahimana, 25 ans après l'assassinat du président Melchior Ndadaye et les massacres qui s'en ont suivis, quelles leçons doit-on tirer de cette tragédie? Après 25 ans passés, après l'assassinat du président Melchior Ndadaye, effectivement, on peut tirer des leçons. Mais avant cela, je voudrais quand même revenir un peu en arrière, parce que j'ai constaté que tout au long de l'émission, le représentant de AC Génocide, il s'est focalisé surtout d'essayer d'accuser le Frodebou de mille mots. Je vous dirais que les accusations de ce genre, on en a des tonnes et des tonnes que nous connaissons dans l'histoire de ce pays, que nous qualifions de fallacieuses. Vous savez, en tant que président du Frodebou, non, en tant que moi-même personne, pas président du Frodebou, j'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs phénomènes malheureux qui sont passés au Burundi. J'ai vécu les événements de 1972 en direct. Je les ai vus, j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai vu tous les massacres qui se sont passés là-bas. J'ai vécu les événements de Ntigamarangara, j'étais gouverneur de province, j'ai assisté à ces massacres, j'ai tout vu. Alors j'ai aussi assisté, bien entendu, à ce qui s'est passé en 1993, j'étais ministre. Je parcourais les quartiers, les quartiers Tutsi, les quartiers Hutu, les collines, et je voyais ce qui se faisait. Je voyais beaucoup de massacres, beaucoup de malheurs pour les populations. Et j'ai vu aussi ce qui s'est passé récemment en 2015, tout cela j'ai vu. Alors, en tant que membre du Frodebou, il y a des phénomènes récents que j'ai vus. Alors, me faire croire que le Frodebou, c'est le mal, c'est un peu une chanson, mais nous sommes habitués. Je crois que les malheurs du Burundi, c'est plus profond que ça. Ce n'est pas évidemment le but de cette émission. Mais le Frodebou est toujours ouvert à un débat sur la présumée responsabilité de son parti par rapport au massacre de 1923. C'est ce que je veux dire. Une des leçons que j'ai tirées la fois dernière, le 13 octobre 2018, quand on était dans la messe de la commémoration de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, l'évêque qui célébrait la messe, il nous a fait une bonne leçon. Il nous a dit, écoutez, quand vous êtes un chauffeur, vous avez bien entendu des rétroviseurs. Si vous êtes un mauvais chauffeur, vous continuez à regarder dans les rétroviseurs uniquement s'il n'y a personne qui va vous cogner. Soyez sûr que vous allez cogner des personnes et soyez sûr que vous allez faire cogner votre voiture dans la montagne. C'est ça ce qu'il nous a dit. C'est très profond. C'est pour dire, dans la situation que nous vivons actuellement, si les Burundais ou nos dirigeants continuent uniquement à dire non, regardons derrière, ça y est, le pays il va cogner ou alors des gens vont mourir. C'est une leçon très profonde que nous avons eue. C'est la raison pour laquelle, pour nous, le Frodebou, nous avons déjà pris cette décision, nous avons déjà eu des leçons à tirer de cette situation antérieure, c'est que nous disons, les tueries dans le pays, ça ne mène le pays nulle part. Il faut mettre une croix sur les tueries. Ensuite, garder rancune toujours, ça ne peut pas pour uniquement privilégier les vengeances. C'est impossible. On ne peut pas aller de l'avant. Ça, ce sont les idéaux du Melchior Ndadaye. C'est ce que nous retenons. le dialogue dans tous les cas, lorsqu'il y a des problèmes, c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est ça que nous retenons. C'est l'idéal d'Ondadaï. Et ça, nous le disons pour notre pays. Les Burundais doivent apprendre à se mettre ensemble. Il ne faut pas attendre toujours de l'extérieur. Nous avons eu plusieurs cas où l'extérieur nous a déçus. Les Burundais doivent se mettre ensemble pour parler de leurs problèmes de façon très sérieuse, sans utiliser de la violence, sans utiliser de l'exclusion. C'est ça que nous retenons. Nous devons accepter la démocratie. La démocratie, ce n'est pas uniquement les élections, c'est beaucoup de choses. Donc, il faut accepter une sorte de bonne gouvernance. C'est ça que nous retenons du président Melchior Ndadaye. Il y a plusieurs leçons qu'on pourrait retirer de lui, mais les principales que nous retenons, c'est celles-là. Et le Frodemo, nous sommes décidés à les mettre en œuvre. Voilà, c'est la fin de l'émission Mosaïque. Dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous revenons sur l'assassinat du président Melchior Ndadaye et les massacres qui s'en sont suivis, qui pour certains est un génocide contre les Tutsis. Nous remercions nos trois invités au plateau dans cette deuxième partie de Mosaïque d'aujourd'hui. Nous disons merci à Pierre Clavé-Nahimana, président du parti Sarwanya Frodebu. Je vous remercie aussi pour avoir organisé cette émission qui fait honneur à la mémoire du héros de la démocratie, son Excellence Ndadaye Melchior. Je vous remercie beaucoup, mais à la prochaine fois, si vous nous invitez dans cette émission, nous répondrons présents. Merci. Nous disons également merci à Terence Mouchano, qui est représentant légal et suppléant et vice-président de l'AC Génocide de Chirimoso. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie et je dis à tous ceux qui nous écoutent qu'ils respectent le plus jamais ça, Never Again, et que le 25e anniversaire, la 24e commémoration de l'AC Génocide, nous serons le 21 octobre à Kwibubu. Merci. Je dis également merci à Serge Savimana, chargé de la communication au sein du collectif des rescapés de génocide de 1972 contre les Hutus. Je dis merci d'avoir répondu à notre invitation dans Mosaïque. Merci de nous avoir invités. Hommage au héros de la démocratie, son Excellence Melchior Ndadaye. Hommage à toutes les victimes burundais des massacres et des génocides commis au Burundi. Je dis merci à Jérôme Nionzima pour la réalisation de l'émission Mosaïque. Séraphine Akizimana a assuré la mise en onde. Pacifique Chubairo au micro. Je vous souhaite de continuer de suivre nos émissions sur la radio Isanganiro. Mosaïque.